Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Session estivale bis, toujours en compagnie de mes acolytes du mois d'août, Mistress Bombache et Lester Brome. Ils sont beaux, ils sont bronzés. On ne sait pas si c'est le Fitou ou le soleil de la route du rock. En tout cas, vous avez bonne mine, les amis. Ah bah merci, c'est le Fitou, le chardonnay mélangé, tout ça. Voilà, c'est... Et puis toujours pour nous servir à la technique là. Et au Fitou. Non, pas moi. Non, pas moi, tu sais bien. Non. David. Non. Bonsoir. On démarre avec De la violence, c'est le nom du projet. C'est un projet américain, je crois que c'est plus ou moins de Baltimore. Je vais réviser mes notes pendant le morceau. C'est assez étonnant, ça va chercher du côté de la scène. Ça pourrait très bien venir de Metz ou d'un coin comme ça, à la façon Scorpio Violente. Ça pourrait aussi bien venir du côté de chez Anzen avec Klangstabil et autres. C'est super surprenant, je vous laisse découvrir ça. C'est un morceau qui s'appelle Reptile Hand Me Downs From Heaven. Violence dans le secret du son d'Abba. Bye. Check mama. Check mama. Check mama. Check mama. Étrange, étrange. Ah oui, la ligne jaune a été très très largement franchie durant ce morceau. Complètement improbable. Je vous avoue que la première fois que j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, c'est pas la peine, je vais passer à la suite. Et puis, la suite à autre chose. Et puis, en fait, non, en fait, c'est complètement logique qu'on en passe par cette espèce de solo de guitare synthétique là. Putain, faudrait que c'est absolument vrai. Dégueulasse c'est énorme. Exactement. Et alors. Et ça reste atypique dans le EP, parce que c'est pas vraiment un album, puisque chaque morceau est assez différent et que ce genre d'accident ne se reproduit pas, pour autant. Il s'en produit d'autres, mais pas celui-là. C'était dur de faire, tu vois, t'imagines, à chaque morceau, t'as cet accident-là. Ouais, voilà. Sur un morceau, effectivement, ça passe, surtout celui-là, qui est quand même... Il est bien barré le morceau. Qui est complètement barré, et ça, je crois que ça en fait partie. Donc c'est c'est Violence, donc pas du tout Baltimore mais Brooklyn, mais bien les États-Unis pour et le bien coup. Les baies aussi. Voilà. C'est différemment orthographié selon les circonstances. J'avais lu, dans mes petites notes, il est question que c'est un projet d'un gars qui se cacherait sous le pseudo de Palm Trees Caprison. J'ai lu par ailleurs qu'il se faisait appeler Robert Smith aussi. c'est un gars qui a beaucoup d'humour, voilà, je et pense. Qui a donc qui est peut-être un peu obèse avec des cheveux hirsutes. C'est ça, voilà. Probablement. Et du rouge à lèvres. Et du rouge à lèvres, bien sûr. Pour ne rien gâcher, c'est sorti par le label Steak Ozo. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce label-là, Steak Ozo. Je crois que c'est un label. Ça a l'air d'être basé plus ou moins, peut-être à Berlin d'ailleurs. Ils avaient publié un album d'électrique quand même, ce label-là, faut savoir. Ah ouais, d'accord. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Et puis tout un tas d'autres projets, dont certains émergent tout juste là, comme Greg Aldur, par exemple. Ah oui, bien sûr, voilà. Notre ami Greg Aldur. Tout à fait. Lafitzky, et puis d'autres. J'adore, moi, c'est Dorcelsus. Ça, j'aime beaucoup comme nom. Dorcelsus. Monosourcil. Marc Dorcelsus. Monosourcil, ce qu'on connaît, voilà. Aussi. Ouais. Donc, c'est Steak Ozo. Alors, il publie des. C'est de la micro-édition. Alors là, l'album de Violence, qui s'appelle Violence Reptile, il est sorti à 50 copies en cassette. Dur. Heureusement qu'il y a un Bandcamp, évidemment, pour pouvoir en profiter. Expliquer ce que c'est une cassette, non ? Oui, voilà. Okay. Et ça, je vais laisser Lester Broom. Une cassette, c'est simple. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une cassette, vous n'avez rien à foutre à écouter cette émission, ni même de la musique. Donc vous pouvez retourner vous coucher avec vos MP3 de merde. Merci. C'est vrai que de plus en plus, j'applaudis, moi. On diffuse des choses en cassette, double cassette, limited. C'est assez fameux, quoi. Voilà, donc Violence, un projet à suivre ou pas, mais en tout cas, c'est assez... Moi, ça m'a laissé pantois et je voulais vous le faire partager. On va revenir à la mauvaise humeur de Lester Broom et au sourire enjôleur de Mistress Bombash avec vos découvertes musicales dont vous allez vous faire partager quelques... Perlouse. On va commencer avec les yeux de la tête. Voilà, groupe de Montpellier, c'est leur seul défaut. Donc, c'est vrai. Et en tout cas, c'est un groupe trio, basse, batterie, saxophone, qui fait un espèce de lien entre John Zorn et Shellac. Oui, ce n'est pas un gros mot de dire ça. Ça sort sur Head Records. Tout est envisageable. Bah, bien sûr, ça sort sur Head Records, c'est purement instrumental. L'album s'appelle Mosca Violenta. Et donc ça sortira qu'en septembre, début septembre, donc quand même. Bah, au moment où nous mettrons en ligne cette émission. Donc c'est parfait. Il y a un Bandcamp où vous pouvez dorénavant écouter cet album. Et le morceau, attention, grand moment, puisque le morceau s'appelle Majax et moi. Je suis un peu de la partie niveau magie, ventriloquie, et donc ça me fait vraiment plaisir de passer c'est vrai. Morceau. Et d'ailleurs, je vous avoue que je n'ai choisi ce morceau que parce qu'il s'appelait Majax, mais je l'aime bien quand même, j'aime tout l'album. Mais donc voilà, on va s'écouter ça tout de suite, si les ça vous dérange pas. Les yeux de la tête de retour dans le secret, ils sont là-bas, parce qu'il me semble qu'on les avait déjà passés. C'est pas étonnant, vous avez bon goût parfois. Bien sûr. C'est parti. We'll be right back. Ça se laisse danser, ça se laisse même tortiller en fait cette affaire-là. C'est très festival interceltique en fait. Complètement. Bah, c'est un peu un hommage, c'est un peu un hommage au festival interceltique. Ils y passent pas d'ailleurs, non ? Non, ils y passent pas, ils ont été refoulés. Oh mince. À l'entrée, parce qu'ils s'appellent Schönwald. Et apparemment, ça rappelait des mauvais souvenirs. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, sous ce nom à consonance Autriche-Hongrie, on retrouve un duo italien, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc voilà, ça s'appelle Mercurial. C'est un deux titres en fait que vous pouvez écouter sur Bandcamp, l'acheter aussi. Ça sort sur Ozark Records, qui est un sacré label américain qui sort une palanquée de trucs. On les compte plus, quoi, d'ailleurs. Et comment vous dire, bah, c'est ça de la front wave. Voilà, je me suis laissé dire que c'était ça de la front wave. Mais c'est ça. Qu'est-ce que de la front wave ? Eh ben écoute, alors, en fait, voilà, parce qu'il y a peut-être des auditeurs de moins de 25 ans. Comment tu dis, David ? Une définition. Voilà, des auditeurs qui n'auraient pas fermé leur poste tout à l'heure quand tu les as envoyés paître et qui du coup s'accrochent et qui ont envie d'en savoir plus. Des auditeurs ou des techniciens de moins de 25 ans. Ouais, par exemple, à ton image, c'est ça. Ouais, à ton image, c'est vrai que tu as moins de 25 ans. Tout à fait. 23, je crois, d'ailleurs. Bref. Ennemi, et merde. Et donc, bah, la front wave, c'est quoi ? La front wave, c'est quelque chose de putassier qui vient un peu des années 80, mais qui est remis au goût du jour. Et en fait, c'est surtout l'invention de notre ami Gwendal. Et Sonic aussi. Mais c'est surtout Gwen qui a essayé de. Donc en fait, ils en avaient marre. Rappelle-nous qui est Gwendal, parce que tout le monde n'a pas suivi les épisodes précédents. Gwendal, c'est notre grand chef indien à Cafioul, avec Xavier. Assorénez, donc, dans l'Indation Concert. Oui, non, mais c'est le guitariste de Février également. Dont on parlait tout à l'heure dans l'émission précédente et qui fait partie de Cafioul depuis le début aussi. Voilà, et qui fait Kérosène toutes les semaines également. Et Xavier qui était à l'origine de Kérosène et qui avait un fanzine dans les années 90 qui s'appelait Sonic, qui était assez connu et que nous on appelle Sonic familièrement, notamment. Et c'est responsable eux qui ont du site pertefraga.org, tout à fait. Pour ceux qui s'intéressent au très très bon site. Voilà, aux références et à la belle écriture. Ouais, c'est surtout ça, il a une super belle écriture Xavier et ça envoie du petit bois, ouais. Tout ça pour dire qu'ils sont pétris de concepts et que c'est eux qui ont inventé ce terme de front wave, un truc de vieux con hein. Ouais, qui après ça en plus c'est plutôt rigolo parce que le truc s'est un peu répercuté grâce à l'internet. Le truc a fait des petits et ça continue. Il y a des sous-genres, tu veux dire. Ouais, voilà, non, mais les gens parlent de front wave maintenant alors que c'est un faux truc, quoi. Bah, par exemple, le groupe, Jean-Pierre Panique du groupe 202 Project estime qu'il fait de la front wave maintenant. Ouais. Il demande quand on lui demande ce qu'il fait, il répète je fais de la front wave, ça fait plaisir, quoi. Tout à fait. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Créer donc, une étiquette comme ça, mais ça doit. Bah, attends, moi j'avais essayé Fitou et puis ils en ont fait du vin. Alors je voulais que ce soit de la zik. Ouais. Fitou corps. Alors tu fais du Fitou corps ? Ouais, c'est tranquille. Post Fitou. La new Fitou. Bref, la front wave, ça part de Killing Joke, ça passe par Chameleons, ça continue avec Citizens of Distinction, ça continue avec Interpol et maintenant c'est. C'est ça, ouais. C'est un truc toujours un peu putassier, on peut remuer un petit peu le popotin là-dessus. Et cycliquement, ça revient à la mode tous les 3 mois, c'est à la mode pendant 5-10 minutes, quoi. Donc il faut vraiment être là au moment où c'est à la mode. Mais après, je vous en veux pas, vous avez le droit de pas être à la mode, et moi le premier, j'en suis même le premier content. Alors en parlant de mode, on va faire un petit détour par quelqu'un qui est déjà plus grand public, que tout le monde a pu voir sur la scène des festivals. Et pas que les festivals confidentiels, loin s'en faut, c'est tricky pour les Français. Ouais, bah écoutez, on va se contenter de ça alors. Voilà, avec son nouvel album sorti sur Studio Cassette, si je ne m'abuse. Ouais, c'est sorti sur Faust Idols, du nom de l'album qui est une subdivision du label Cassette. C'est subtil. Voilà, c'est très très subtil. Et voilà. Il se trouve que par le plus grand des hasards, cet album est bon. Et bah en fait, moi je suis pas un fan absolu de ce monsieur, mais. Hélène, ici présente, m'a conseillé d'écouter cet album, ce que j'ai fait. Et en fait, je me suis pris vraiment une bonne claque. C'est un super album de trip-hop, comme il sait faire, avec plein d'invités, et notamment des voix féminines, notamment une qui s'appelle Francesca Belmonte, et qui est juste une pure voix. Il y a des je sais pas, il doit y avoir une dizaine de titres, et sur la dizaine de titres, il doit y avoir 6 ou 7 qui sont vraiment impeccables. Donc on peut parler de très bon album. Ouais, moi je trouve qu'il est... ça faisait très longtemps en fait que j'avais pas pris une claque sur un truc de tricky. Et là, en l'occurrence, je un coup de trick, quoi. Un bon coup de trick. Ouais, il est impeccable. Mais on est vraiment sur ces trucs des... Justement de ses premiers jets où il y a ce truc là, ce truc de mouillé dans la voix, où il est là, il est un peu derrière, il y a un truc hyper organique, il va droit à l'essentiel parce qu'en fait c'est très dépouillé et tout est là, enfin il y a une sensualité incroyable, en même temps une froideur dans la manière de proposer le truc. Je trouve que il y a des très très bons titres, et en l'occurrence celui-là est un très très bon titre. Does it. Pour énorme. Ceux qui ne se sont pas encore fait dessus, à l'écoute de vos commentaires, on va s'écouter Tricky. vous allez pouvoir vous détendre. On parle de cul, là, non? Ouais, on parle. Mais de toute façon, depuis le début, on parle de cul, David. D'accord. Je sais pas pourquoi. De manière très déguisée. Hein, ouais, ouais, voilà. Ouais. Et c'est pas fini. Très subtil, très subtil. Does it Tricky dans le secret du son d'Abba. Swift decline. c'est complètement foufou, putain, complètement excentrique, énorme, énorme, énorme matmos, inimitable. C'est vrai qu'il une sacrée longévité aussi, ça fait presque une vingtaine d'années de carrière à peu près. Ouais. On ne comptera pas le nombre des albums. Moi, c'est vrai que j'en ai loupé un ou deux. Je ne fais pas partie non des gros mordus, mais il faut vraiment reconnaître leur... leur capacité à essayer de se renouveler en permanence, à toujours chercher des nouvelles idées et mais à confronter, confronter les idées, confronter les genres. C'est le grand Big Bang, quoi. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et donc, c'était quoi? C'était Matmos. Matmos, duo groupe, californien, donc qui est lui aussi entre guillemets connu d'un plus large public pour avoir accompagné Björk sur au moins deux albums et autant de tournées. Hein, et comme Tricky, j'ai envie de dire. Voilà, et ils font partie du cercle des... Ça devait être homogénique, non? C'est pas ça? C'est pas cette époque-là? C'était peut-être celui d'après. C'est celui d'après, je connais pas celui d'après. Je connais pas. Alors là, Björk, j'ai pas révisé mon Björk. Non, mais personne ne révise son Björk. C'est-à-dire, ça se saurait. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont collaboré avec plein de gens, et notamment aussi... Voilà, là, c'était leur, je dirais, le... Ah bah, l'apogée, enfin, pas l'apogée, le truc... Là où ils se sont fait le plus connaître. Mais ils ont fait des trucs avec John Spencer aussi. Ils ont fait... Et c'est vrai que qu'ils se baladent entre un truc à la fois où ils sont dans quelque chose d'assez populaire, des fois, parce qu'ils collaborent avec des stars un peu pop, populaires, mais en même temps, en gardant cette espèce d'esprit très défricheur, et puis cette envie de creuser, quoi. Et c'est, le truc-là est vraiment terrible. Bah pour le coup, autant le terme expérimental est souvent galvaudé, autant il leur convient absolument, parce qu'ils sont complètement là-dedans, ils expérimentent, ils n'oublient pas pour autant de temps en temps, effectivement, de... Manger. De manger, et de, du coup, d'en faire ressortir quelque chose qui est plus... Qui s'approche des constructions pop, des constructions en forme de chanson, mais il y a toujours des curiosités, et puis ça expérimente. Alors là, à nouveau, comme il y a quelques années autour de l'album qu'ils avaient fait autour de sons récupérés dans une clinique de chirurgie esthétique, là cette fois-ci ils se sont inspirés d'enregistrements, de séances prises dans c'est très bien expliqué dans une interview qu'ils ont donnée à New Noise au printemps, un centre Gansfeld où ils expérimentent la privation sensorielle et la capacité de l'imaginaire ou du cerveau humain à créer des formes à partir du néant, quoi. D'accord. Ouais, pour simplifier, quoi. Oui, donc ils ponctuent leurs morceaux qui sont déjà assez alambiqués de ces extraits, de courts extraits sonore, comme ça, sonores, assez perturbants et parfois un peu flippants d'ailleurs. Et c'est vraiment un très bon album dont on n'a pas donné le titre ni les références. C'est The Marriage of True Minds, c'est sorti par Thrill Jockey, donc un gros label, fin d'hiver 2013. Et on y notera la participation de quelqu'un qui vous est cher, c'est Ed Schrader, un sacré personnage dont vous allez nous rappeler qui il est d'ailleurs. Alors Ed Schrader, c'est un animateur télé, il a son show télé, je sais plus dans quel bled, je me demande si c'est pas Baltimore pour le coup, mais donc le Ed Schrader TV show, et c'est aussi un duo Ed Schrader Music Beat qu'on avait eu le plaisir de recevoir à la bascule il y a 9 mois, 8 mois, on a qu'à dire il y a un petit moment. Et puis on s'était pris une bonne claque. Je vous conseille d'acheter l'album. Voilà, il y a un seul album pour l'instant. Je pense que vous pouvez le trouver assez facilement. Il est très habité. C'était assez terrible comme concert. Voilà. Et il vient mettre son grain de sel dans cet album The Marriage of True Minds des Matmos. Donc pure voix le garçon. Comme on dit par chez vous, chaudement recommandé. Chaudement recommandé et bigrement efficace. Tout à fait. Alors, on va poursuivre avec Ming the Mong, David. Ah, mais qui est Ming the Mong? En fait, c'est un Anglais qui a fait, à une époque, du hip-hop, on peut le dire comme ça. Maintenant, il est plus dans le post-punk, voire un peu garage, même si son phrasé, on voit bien que le mec a fait du hip-hop et continue sans doute à en faire un peu. Il est accompagné d'un guitariste et d'un bassiste, mais en fait, qui est le même, parce que le gars a du talent et plein de doigts, et lui, il s'occupe de tout le reste. Donc voilà, on va s'écouter le morceau, ça s'appelle Viagra Man, donc c'est un peu tout un programme, c'est un peu aussi un hommage aux personnes âgées. qui voilà, enfin, c'est vrai. Ming the Mong, Viagra Man, dans le secret du son d'abord, on s'écoute ça tout de suite. Fais péter. its name, Kappa's greatest love machine. Thinking fitness to fall. grosse ambiance. Festif. Hein. Une grosse, grosse ambiance. Tu peux redescendre de la table d'ailleurs, David. Ok, c'est bon. Très celtique. Hein. Tu peux, voilà. C'est bon. Tu peux remettre ton pantalon. Ok. Voilà. Tant pis. Battleuse, donc, dans le secret de son abat. Une grosse exclue que tu nous apportes là. Bah, c'est une exclue parce qu'on ne sait pas trop. Enfin, normalement. Au moment où nous causons, en tout cas. Voilà, l'album devrait sortir au mois d'octobre. Les mix ne sont pas forcément encore définitifs. Le nom du groupe non plus. Peut-être ça va changer, on ne sait pas. C'est des gens qui faisaient partie du groupe Catawumpus, que nous, on avait eu le plaisir de faire aussi à la bascule, encore une fois. Et donc là, c'est un duo, Céline et Francis, qui font partie de ce groupe. Et ben, vous venez de l'entendre, enfin, c'est assez incroyable la voix de cette fille, ce qu'elle aimait, elle envoie tout. Elle quoi. Est totalement habitée par son truc et non, c'est juste magnifique, on dirait une chanteuse flamenca. Et lui, pareil, il y a tellement de sentiments dans sa gratte, c'est d'une justesse. Voilà. Si vous vous démerdez bien, vous pouvez aller sur un Bandcamp. Mais ça sera pas juste taper Battleuse Bandcamp, ça serait trop facile, donc je vous laisse chercher. Comme ça, vous aurez d'autres titres. L'album s'appellera Ruine et Ravin. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Joyeux Noël. Héroïne et Ravin. Ruine et Ravin. Ah ouais, j'avais pas compris. Non, non, mais tu me prends pour un drogué ou quoi? Bah mais oui. Et voilà, le morceau s'appelle Joyeux Noël, mais en tout cas, c'est un. Je peux plus m'en passer, moi, de ces quelques titres. C'est magnifique. Toute la Haute-Loire dans un. Toute la Haute-Loire dans un Bandcamp. Voilà. Non, parce que tout est comme ça. Enfin, tout l'album est aussi beau que ça. Voilà. Donc, c'est. Voilà, je vous répète, Battleuse. Alors, Battleuse, sous ce nom-là ou sous un autre nom, peut-être en concert. C'est sûr, à l'automne 2013, ça du sera, côté de Rennes. Ça sera courant octobre, je pense, entre le 11 et le 15 octobre, pour être précis. La date n'est pas fixée. Moi, j'aimerais bien le 12 parce que c'est un vendredi. Ouais, ça sonne bien. Hein. Voilà. 12 octobre, en plus, ça, en plus, ça sonne envie, super quoi. Bien. Et donc, ça fait partie. Ça fait partie de notre programmation de rentrée, on va dire. Voilà, dites-nous, donnez-nous l'eau à la bouche. Eh bien donc, on en a parlé tout à l'heure, le 27 août. Enfin, dans l'émission d'avant, on en a parlé. Hein. Voilà. Alors, suivre alors, un peu, s'il vous plaît. Ouais, surtout qu'au moment où on mettra en ligne celle-ci, peut-être le concert sera déjà passé. Le concert sera passé, mais on l'annonce quand même. Voilà. Bingen et Minya Zavout, alors là, gros plaisir, le mardi 27 août au Mondo Bizarro. On enchaînera sur le 6 septembre, donc il n'y aura pas moyen de se reposer, à l'avant-scène, c'est toujours à Rennes évidemment, c'est un nouveau lieu qui fait plutôt des... c'est un resto, mais il veut bien faire des concerts pas trop bruyants, donc il n'y en aura pas beaucoup de cafioul. Mais il y aura celui-là, c'est Angel and the Hidden Tracks, avec Dotsy Dots, donc il y a un projet aussi d'une membre de Angel. Le 25 septembre... on passera aux Italiens de Yomonade Stanka, donc pour un, on va dire, mat rock noise, quoi. Assez alambiqué, vraiment super, avec 202 projects. Notre ami de Saint-Etienne. La front wave. La pure front wave. À nouveau, voilà. La Loire. Voilà. Et la front wave. Bah ouais, donc il y a une histoire d'amour entre la Loire et la front wave, je pense. Ouais, non, mais... On enchaînera au mois d'octobre, avec le 5 octobre, avec les Parisiens de Sons of Frida, qui ont livré un album excellent. Qu'on a diffusé, que vous avez sans doute diffusé aussi, enfin j'espère pour plus, vous. Oh, je sens que Grégoula a dû en sortir un petit peu. Bah, on le fera certainement à la rentrée si ce n'a pas déjà fait. Tant mieux, et ben ça jouera avec Cataplismique, groupe rennais, duo rennais et Embo, qui est un projet solo d'un des membres de Sons of Frida. Ça sera au Sympathique le 5 octobre. On aura le 1er novembre, alors là aussi ça c'est super cool, c'est un groupe anglais qui s'appelle Total Victory. Qui est vraiment une sensation post-punk, encore à la The Fall, mais vraiment un peu plus noise, un peu à la Dirunter même des fois, bizarrement. Mais en que tout du cas, hit. Ouais, que c'est du un hit. Album rempli de tubes, et normalement, si notre ami du Galion veut bien se bouger, vous avez moyen de les faire à Lorient le 2 novembre. Vas-y, si JB. Voilà, mais l'occasion, enfin l'invite est lancée, donc il le sait. La balle est dans son camp. Et puis Battleuse, donc je l'ai dit au mois d'octobre, et fin novembre. On aura l'occasion de faire Talia Zedek, tout simplement. Et ça, si, c'est un peu la classe. Comme. Et là, on en frissonne d'avance. Voilà, pour alors, la alors, tous les groupes qu'on n'aura pas passés dans le secret du son d'abat, eh bien, vous pourrez aller les écouter dans Kérosène et ses fameux podcasts. Ouais, vous allez sur cafioul.org. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Voilà, cafioul.org pour écouter les... Toutes les nouveautés front-wave, post-punk et... pop. Et autres... Mais aussi un peu chanson française. Voilà. Ouais. Très bien, alors on va passer à ton actu, Hélène, aka Mistress Bombash. Raconte-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a à raconter ? Ça va bien ? Bah écoute, ça va pas mal, je transate un peu, mais j'ai ramené du boulot. Je suis en train de préparer sûrement un nouveau Dix de Mistress Bombash. Donc je suis un peu en chantier là. Et autrement, j'ai donc un titre qui sort bientôt sur une compile In My Bed. Ça sent l'exclu là, mais voilà, c'est une émission c'est... mais qui est farcie d'exclu. je pense que les auditeurs ne s'en rendent pas bien compte. Mais... Bon non, mais tu sais, les auditeurs. Qui est donc un label rennais et qui sort une compile avec différents artistes rennais également, mais qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit sur le devant de la scène habituellement. Ou récemment, je dirais. Mm-hmm. Il n'y a pas les Juveniles, quoi. Non, il n'y a pas les... Ça, il n'y a pas, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a voilà, pas les pop-up-up. Il n'y a pas les Kajagougou. Les Kajagougou n'est pas dans la place. Non, mais bon, on... Ça existe, ça. Et en tout cas, je pense que ça va être une très belle compile parce que déjà, le concept était assez marrant à la base, parce qu'on est tous allés enregistrer dans le même studio avec le même matos, ce qui permet de donner une unité de son à tout le truc. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait de la musique électronique. Et là, le truc est de faire un morceau sans électronique dedans. Donc ils m'ont dit, bah, écoute, tu fais de la basse. Donc si ça te dit de faire un morceau avec slap. Basse, guitare, batterie, tu es la bienvenue sur notre compile. Et moi, l'enjeu me paraissait plutôt marrant. Et donc voilà, j'ai fait ce morceau qu'on va écouter dans pas longtemps. De qui t'es-tu entouré pour Je me concevoir. Suis entouré de Molor Playset. Autant rester simple. Voilà, autant prendre le backing band qu'on a sous la main. Et du coup, j'ai demandé à Thomas, mon frère, de faire... Un des deux guitaristes de Molor. Voilà, qui est un des deux guitaristes de Molor, de faire la guitare. Et accessoirement un des guitaristes de Didier Van Passe. De Molor et de Didier Van Passe. Dis donc. Non mais du coup j'ai demandé à Thomas de me faire des bouts de gratte. Enfin s'il était inspiré, il se trouve qu'il était inspiré, donc c'était plutôt chic. Et à Fred qui est le taulier, le taulier batteur de Molor Playset de faire les batteries. Et donc voilà, donc ce disque, enfin cette compile sort en octobre. Il y a une fête de sortie au Jardin Moderne le 26 octobre. C'est ça, le 26 octobre. Et où tous les groupes de la compile joueront 20 minutes à peu près. Et la pochette est réalisée par Nine Antico, qui est une dessinatrice un petit peu connue, qui fait de la BD d'auteur. Toujours tournée autour du rock'n'roll. Elle a sorti l'année dernière un truc autour des groupies, notamment, enfin des fameuses groupies des groupes rock'n'roll et tout. Donc voilà, c'est une belle pochette, c'est un beau projet avec que des groupes qui ont de la gueule. C'est des vinyles, CD uniquement ? Vinyle. Vinyle, monsieur dame ? Vinyle, ouais. Monsieur dame. Et puis vraiment à la old school en plus, avec vraiment ce truc. Ah ouais, alors là, vraiment, mais vous avez. Pas cassette. Tu fais bien de le relever. Oui, mais bon. Ouais, vous avez loupé quand même le coche là. Mais mais le truc qui est assez marrant, c'est qu'en plus ils ont fait vraiment le truc à l'arrière. Ils font comme si, My Bed effectivement est un grand label, mais ils la font, ils la jouent un peu à la tous ces labels qui sortaient des compiles dans les années 60-70 avec avec tout un topo écrit derrière, etc. Comment ça a été enregistré, etc. Enfin, et je pense que ça va être un objet un peu chouette à voir dans sa collection. Rappelle le titre de cette compile en question dont on va s'écouter un extrait. Ah. Je sais pas le titre, c'est la compilation In My Bed. Mais non, par contre, on peut retrouver outre Mistress Bombash, on retrouve Molor Playset, Prosperi Bury, Santa Cruz, Laetitia Sheriff. Enfin, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Toute la... Sudden Death of Stars. Bon... Sudden ouais. Death of Stars aussi. Non, qui mais il y a du, des Beatles. Formica, évidemment. Formica, bien sûr. Et, mais bon, ouais, non, ça va être assez marrant. Et voilà, et autrement, moi j'ai des concerts. Alors attention, messieurs, dames. Attention. Ah, prenez vos agendas. Là-bas au fond, prenez vos agendas. Ouais, puis là, il y en a pour un moment. Non, mais du coup, le 19 octobre, des, je des joue concerts, avec. Des concerts qui n'auront pas lieu que le week-end, c'est ça que t'es en train de nous prendre. Peut-être bien qu'il y a de la tournée. Ouh là là. Ouais, alors le 19 octobre, un truc voilà, en pour, semaine, pour faire simple. Mais le 19 octobre, par contre, pour le coup, on est sur un week-end, ce qui va très arranger mon comparse Jean Ferraille. Je préfère quand c'est le week-end. Ah bah c'est ça. Hein, et c'est, ça se passe, à Brest, à la Carène, dans la grande salle de la Carène, et avec avec plein de vieux copains. Donc ça va être plutôt voilà, rigolo. Voilà, il va y avoir du. Alors on est, j'ai pas imprimé moi les. Mais je sais qu'il y a du. Il y a du Yann Dub, il y a du. Ah, Monster X, ça a été annulé, mon cher ami. Ah merde. Tombe mal. Mais non, il y aura du Fishcat. C'est pas très merde. Il y aura pas mal de monde. C'est MacLeod, c'est ça, David, ouais. MacLeod qui organise ça. Ouais. Un vieil activiste des NRV 29 du Finistère, donc et on peut compter sur lui pour que ça fasse péter, comme on dit. Ouais, je pense que ça va être assez rigolo. Donc 19 octobre à la Carène. Voilà, et puis d'autres dates très bientôt à venir, plutôt dans le sud-ouest, je plutôt pense. Dans le sud-ouest, dans le sud-est aussi un peu. Bien, bien, bien. Carrément. Alors on s'écoute un morceau qui n'a pas de titre pour le moment. Ouais, pour l'instant c'est appelé Money Sheet, mais. Est-ce bon. Que tu ouais. veux qu'on te trouve un titre là? Mais réfléchissez vite, donc à un titre pour ce morceau, guitare, basse, batterie, qu'il va falloir rejouer en live le 26 octobre à Le Jardin Moderne. Extrait de la compilation d'automne de In My Bed, c'est Mistress Bombage dans Le Secret du Son là-bas. I'm not a little bastard making a show like it's supposed to be. show in the big lights. I'm a cliffhanger. I'm not an already bitch yet. I'm not someone with more brain and a nice haircut. Doing like a Jason is a joke. Acting for money, shit. One. The spider's on. What up, y'all? Boom, shit. That come with the song. Sensational up in here. That come with the song. The spider's on. Boom shit. That come with the song. The spider's on. Yeah. Boom shit. That come with the song. My forte. The spider's on. Boom shit. That come with the song. Heads up. This the dope shit. You can't control it. I make beats category raw shit. My zone. My microphone is on. I don't fuck with bullshit and I'm not used to it. You good with complaining, shady with cheering, unplug your live shit. Give it the business, swap to me, groovy. They're bouncing it, I got my cash in it. Say shit on rock spot, got it moving. My sales exclusive, my style I'm picking. Coming from the zone with the smoke, my flow. Not yours, pause, unpause. Still raw shit, in it to win it, drip it. Got it hot, how I do it. Boom shit, that come with the song. The spider's on, boom shit, that come with the song. The spider's on, boom shit, that come with the song. The spider's on, boom shit, that come with the song. The spider's on, boom shit, that come with the song. This beat from me, I flee it on key. Cool breeze, sipping a daiquiri, psych, Henny. Pocket the dough, flow the show, lingo notes, got it right. Winner, hot record spinner, in the area with the flow. I talk this, that raw music shit, I got more. Sensationnel dans le secret du son d'Abba, évidemment. Je pense que ça fonctionnait pas mal derrière ton morceau, Hélène. Ça marche. Enfin, moi, je suis hyper fan de Sensational. J'adore cette façon de d'être prêt, d'être voilà, loin du micro dans et tout. Espèce de groove un petit peu où il manque des angles. Carrément. Ouais. Et c'est tout ce qui fait le charme de Sensational depuis ses débuts. Il y a une bonne quinzaine d'années, voire plus maintenant. Ouais, c'est vrai que il fait intimement partie de l'histoire du label World Sound, ouais. Label qui est un petit peu maintenant réduit à la portion congrue. Il faisait des CD dans des pochettes toutes pourries la dernière Putain, fois j'avais reçu un truc c'est con voilà. Plus du tout d'argent quoi et puis plus de relais pour faire financer par d'autres parce que c'était un petit peu ça en fait et pour distribuer aussi donc bon évidemment aujourd'hui voilà il a rejoint la grande cohorte des producteurs qui publient sur en format numérique quoi, sur Bandcamp et autres et c'est le cas aussi de Sensational quand il est pas invité parce qu'il lui est toujours invité par les uns par les autres on le connaît d'ailleurs presque plus pour ses collaborations pour ses albums perso désormais et en tout cas eh bien à force de pas faire attention on en a loupé quelques-uns il y a eu Open for Business en juin 2012 Class is in Session en août 2012 Bouncy Agenda qui est même sorti en vinyle figurez-vous en 5 titres wow. Sur Autodidact Records On Top of Things en décembre 2012 et on vient de s'écouter un extrait de My Work qui est sorti en mars 2013 donc précipitez-vous sur le Bandcamp de Sensational parce que des morceaux de cette trempe là comment il s'appelle-t-il déjà The Spot is On qu'on vient de s'écouter il y en a pas mal et notamment moi je trouve une capacité là à gonfler ces rythmiques comme comme jamais et c'est vraiment il y a du lourd comme on dit par chez nous et de nos jours. Alors comment on dit déjà chez vous, c'est sans transition, non, c'est terre de contraste. Terre de contraste. Ou alors il y a aussi les instants d'éternité. Voilà, alors on va s'offrir un instant d'éternité, cher à Don Lurie, Gwendal. Avec Daniel Mensch et ses expérimentations micro-captées, amplifiées, ses morceaux à rallonge. Alors j'aime beaucoup, là j'ai récupéré là, sur son site internet « Music is like once unblowed, so amplify it as loud as possible, make the speakers bleed ». Donc c'est tout un programme, faites saigner les... les amplis et les enceintes. Et on va s'écouter, pour se faire un petit plaisir du genre, un extrait de son nouvel album, enfin d'un, parce que alors, si on commence à essayer de lister le nombre de publications de Daniel Mensch, on y passera mais la soirée. En même temps, dès qu'il se roule, il fait un disque. Donc voilà, et il a bien raison, parce que c'est quand même assez réussi souvent. Je dois dire, il y a à la fois il y a le côté expérimentation un peu tout venant comme ça. Voilà, je fais du bruit et j'amplifie et je regarde ce que ça fait. Mais il y a aussi une capacité à créer de l'atmosphère. Mm-hmm. Et c'est tout l'art, notamment de ce Marriage of Metals qu'on va s'écouter, sorti sur édition Mego, donc au printemps 2013. Donc créé uniquement à partir de gongs et de fuzz et de distorsions. Mais voilà, moi je trouve que c'est... c'est vraiment un travail qui... Ils sont pas forcément hyper nombreux à le faire. Il le fait extrêmement bien. On peut citer aussi Illusion of Safety ou Kevin Drum ou OK Kennel aussi qui savent s'y employer à faire du bazar comme ça. Mais en même temps, chacun a son style perso. Mm-hmm. Et je trouve que... moi particulièrement, Daniel Mensch, je suis assez fan. On s'écoute ça dans Le Secret du Son d'Abbas. C'est Marriage of Metals, premier du nom, parce qu'il y en a deux morceaux, sur édition Mego. En plus, on dirait Raon. Ça, je sais plus. C'est vrai. Tu me le dis. C'est parti. Et alors, qu'est-ce qu'on écoutait là? Daniel Mensch. Pas du tout. Merde. Alors, regardez qu'on vraiment pas suivi. J'étais aux toilettes. Bah voilà. C'était Paul Jebanazam. Avec. Je me disais que ça ressemblait pas trop à Daniel Mensch en même temps. Tu te demandais où ils s'étaient collés les micro-capteurs pour faire ce bruit-là. C'est ça. Ben. Ouais, je comprends bien. Eh bien non, c'était Paul Jebanazam. C'est un garçon qui est d'origine sri-lankaise, mais qui vit du côté de Bristol, où aux côtés de gens comme Rolly Porter et Humpty Set, ils animent le label Subtext, qui est un label qui compte en ce moment dans les musiques électroniques, qui mélange les rythmiques un petit peu décomposées, les ambiances dronesques et dark ambiantes. Ils le font très très bien, et c'est vrai qu'on les diffuse souvent, les productions de ce label-là. Ça ne loupe pas donc avec ce Rights, un LP 5 titres, très, voilà, très, très liturgique. On pourrait sortir le dictionnaire des synonymes et y aller franco sur tout ce que le vocabulaire religieux et rituel peut compter de nuances. On va pas s'y engouffrer, je crois qu'il est beaucoup trop tard. Non, mais si on s'engouffre dans la religion, on n'a pas fini d'en avoir plein la soutane. Exactement. À savoir que voilà, il avait sorti une première réalisation qu'il avait justement enregistrée dans une église qui s'appelait Music for the Church of Saint John the Baptist. Évidemment, c'était tout un programme, et j'ai l'impression qu'il a un petit peu décliné cette œuvre qui constituait une seule pièce, et que peut-être il a un petit peu édité pour en faire 5 pièces différentes qu'on retrouve donc pour cet album Rights. En tout cas, moi ça fait partie des choses qui me touchent assez, qui sont un petit peu comme ça aux confins du néoclassique et du drone ambiante. Moi ça me plaît bien. Ça semblait très beau. Voilà, et ça me donne envie de te demander. C'était très beau. Ça me donne envie de te demander, mon cher Lester Broom, des nouvelles de ton label Carvigno. Ah, bah ça tombe bien que tu en parles. Carvigno Records est en pleine ébullition. Parce que dès qu'on est, tu vois, dans le spirituel, moi je pense à Carvigno. Bah, inévitablement. Un label qui est spirituel, c'est bien celui-là. Rappelle-nous un petit peu, parce que t'as une histoire qui est encore assez courte. C'est récent. Tes faits d'armes, quoi. Bah, les faits d'armes sont. C'est assez rapide en ce moment. T'es en vacances, quoi. Moi, je suis sieste, en vacances. Apéro, okay. Je veux dire sieste, apéro, sieste. Donc, c'est Carvigno. Carvigno, on a sorti le premier album de Fat Supper en coprod avec les disques normales. On a sorti aussi ce sublime album de Tom Bodlin. Que nous avions diffusé. Mais oui, et je vous remercie d'avoir bon goût. En coprod avec Attends Rêver du Roi et Furn Records. Et donc une prochaine. On a d'autres idées, notamment du côté de chez Otto, le groupe toulousain, plutôt influencé par Nick Cave, on va dire, mais le Nick Cave où il y avait Mick Harvey, c'est-à-dire le bon. Voilà. Pas celui qui tombe de scène en ce moment. Pas celui du côté de la route du rock. Pas celui qui ne tient plus debout. Donc voilà, et puis il y a d'autres projets aussi. Enfin, il faudra nous réinviter avec toute l'équipe de Carvigno. On vous en parlera alors un petit peu plus. Qui est l'équipe de Carvigno? Bah écoute, il y a donc ma modeste personne, et puis Hélène, qui est Mistress Bombache. Donc j'ai à peu près tout le monde là. T'as la moitié en fait. Il reste deux autres membres qui sont sacrément méritants, peut le dire. Ouais. Donc Mathias, aka Saitam, musicien. Avec qui je fais également un groupe d'ailleurs. Voilà, c'est vrai. Tout à fait. Et également Gilles, plus connu pour être le hurleur-chanteur de Molar Playset. Voilà. Très bien. Eh bien écoute, on se tiendra au courant de vos prochaines aventures. Mais bien sûr. On va déjà se quitter, on va vous demander de quitter le studio et de rentrer chez vous. Allez, on est obligé de se barrer là. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Bah moi en tout cas, j'étais très content d'être là en plein festival interceltique. J'ai eu peur, parce que je suis arrivé, j'entendais du biniou, je me suis dit je vais tout péter. Et puis en fin de compte, on est bien à l'abri chez vous, on n'entend rien. Voilà, merci au studio MAPL pour... nous faire profiter de cette alcôve loin des tumultes celtes, et on va se quitter avec une jolie réalisation de quelqu'un qu'on n'avait encore jamais diffusé. C'est Greg Haynes. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Greg Haynes. Le nom me parle, il faudrait que tu me... Ouais, c'est quelqu'un qui lui aussi plutôt composé des œuvres plutôt pour des orchestres ou des instruments. Et sont donc plutôt la sphère néoclassique. Un peu comme Michel Legrand. Exactement, exactement. Ou d'autres. Hein. Ou Vladimir Kosma. Ouais, ouais. Aussi, aussi. Ou Arvo Part. Arvo Part. Ah. Ouais. Préparté. Arvo Part. Michael Nyman. Michael Nyman, voilà. Et plus récemment, avec son dernier album sur Denovali Records qui s'appelle Where We Were, il oriente sa musique vers quelque chose qui est plus électronique. Avec un album moi, que je trouve assez réussi, qui a une chronique mitigée dans le New Noise. Que, bon, voilà, je ne partage pas forcément le. Non, mais ça dépend qui a on fait la chronique. On partage rien avec New Noise. Hein. Si balance qui a écrit ça. Ça dépend des fois. De... je sais, ouais. Mais t'as failli me le dire en plus, ouais. C'est ça que je souhaite. Chacun ira vérifier. Non, mais en tout cas, je veux dire par là que je suis plutôt charmé par ce disque qui a des aspects plutôt justement drone ambiante comme j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à certaines productions du côté de chez Anzen, Ultra Mic Mates pour ne pas les citer, à Bovo, des gens comme ça. Des choses pas forcément récentes d'ailleurs du coup, hein. Assez organiques, des choses plus grésillantes, électriques façon Teammaker ou des choses plutôt techno minimal comme John Beltran, certaines pièces électro-ambiantes d'Aphex Twin. Même des choses un peu dubby façon blue comme on aimait bien dans les milieux des années 90. Donc voilà, moi je trouve que c'est une jolie réalisation. Tu me donnes faim. Ouais, non mais il y a carrément, il y a plein de choses, c'est très varié comme disque et c'est pour ça que je voulais terminer avec ça. On va s'écouter un extrait qui s'appelle The Hole et on se quitte là-dessus, on s'embrasse. On s'embrasse. Et on se retrouve certainement dans vos concerts, chers amis de. C'est gentil. De Cafioul du côté de Rennes. À la rentrée. Oui. Bonne reprise à tous. Bah, à très bientôt. Merci David. À très bientôt à tous. Merci Chef Apéro et sa langouille. Grand merci Chef Apéro. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Au revoir.